السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا يا أيها الإخوة والأخوات، auditeurs et auditrices qui nous suivez sur la radio de la chaîne du Marquez de l'Imam al-Shafi'i qui est dirigé par notre noble cher, le cher Abu al-Harith Ahmed ibn Suleyman Badoukhun Hafidhahullah Ta'ala. Nous avons l'honneur une nouvelle fois de servir le cher par le fait de vous prodiguer une traduction de l'une de ses allocutions concernant un sujet important à comprendre et dans lequel il est important d'avoir du discernement, c'est la manière de concilier, concernant la manière de concilier entre la quête du savoir, l'étude de la science de l'islam et le fait de gagner sa vie, c'est-à-dire avoir une profession, avoir un travail. Ce sujet-là est très important car on peut apprendre la science en France et également dans les pays musulmans et joindre entre ces deux activités est parfois difficile et certaines personnes ont des fois des mauvaises compréhensions, des ambiguïtés dans ces sujets-là. Et donc le cheikh a fait une allocution dans laquelle il a prodigué des recommandations et a donné de bons conseils. Et il a mentionné des preuves du Coran et ou de la Sunna, et également des paroles des pieux prédécesseurs de cette communauté à ce sujet. La traduction de cette allocution va se faire en deux parties. Elle a été prévue initialement en une seule assise, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, mais elle se fera en deux parties. Nous ferons une première partie aujourd'hui, bi-idhnillahi azzawajal, et nous ferons la deuxième partie, qui sera la deuxième et dernière partie de cette traduction, demain à 18h, incha'Allah ta'ala. Sur la même radio, comme d'habitude. Barakallahu fikum. Donc le cheikh, hafadhahullah ta'ala, après avoir loué Allah azza wa jal et attesté de son unicité, et avoir attesté de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et avoir invoqué en sa faveur, alayhi salatu wa salam, ainsi qu'en faveur de ses nobles compagnons et de sa famille, radiallahu anhum ajma'in, il invoqua Allah et implora Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous accorde à tous la réussite dans la concrétisation de ce qu'il aime et agrée. Il invoqua Allah afin qu'il nous accorde la science bénéfique ainsi que des œuvres pieuses. Il demanda également à Allah qu'il accepte nos œuvres et qu'il nous aide concernant l'accomplissement de ces assises et qu'il fasse que ces assises lui soient vouées purement, accomplies sincèrement pour lui et qu'il fasse qu'elles soient utiles et bénéfiques dans cette vie ainsi que dans l'au-delà. Ensuite, il mentionna le sujet de cette allocution. Le sujet de cette allocution est l'étudiant en sciences et le travail, c'est-à-dire le fait de gagner sa vie. Il mentionna que ce sujet est important. Il mentionna que ce sujet est important et c'est une chose qui est nécessaire à l'étudiant en sciences. Et le fait de gagner sa vie est une nécessité de la vie. Et souvent, gagner sa vie et avoir un travail est parfois un obstacle, un frein pour l'étudiant en sciences. Et parfois, c'est une cause qui le mène à délaisser la quête du savoir. Ou le moindre effet néfaste qui pourrait en découler, c'est que parfois, gagner sa vie pour la personne qui cherche à apprendre la religion peut être une perturbation pour l'étudiant dans ce qui concerne son acquisition du savoir, c'est-à-dire l'aspect de sa vie relatif à la science. Et de par l'importance de ce sujet, le cheikh a mentionné que nous avons besoin d'un rappel dans ce sujet-là, par la mention de recommandations et de certains jugements de la religion de l'islam transmis par les savants qui se sont basés sur le livre d'Allah dans ce sujet-là, ainsi que sur la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et par la mention également de certaines narrations des imams de la communauté musulmane dans ce sujet qui est important. Et il mentionna que dans ce sujet-là, il y a trois types d'étudiants. Il mentionna une première catégorie d'étudiants en sciences qui délaissent la quête du savoir par rapport au travail, afin de gagner leur vie. C'est-à-dire qu'ils délaissent complètement, ils se coupent totalement de l'acquisition du savoir par rapport au travail, parce qu'ils se consacrent au travail. Ensuite, il y a une deuxième catégorie d'étudiants, certains étudiants qui arrivent, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à réunir entre les deux. Ils arrivent à travailler, à avoir une profession et à étudier le savoir. Ou des fois, ils arrivent à étudier le savoir car ils ont des gens qui les aident financièrement, qui pourvoient leurs besoins, sans leur causer du tort par la suite ou sans leur rappeler leur bienfaisance à leur égard. Et il y a une troisième catégorie, ce sont certains étudiants qui se libèrent totalement, qui renoncent au travail pour l'apprentissage, mais sans avoir une source de revenus stable. que cela soit par le travail ou par le fait d'avoir une aide financière d'une tierce personne. Et souvent, ce genre d'étudiants finissent par en souffrir, parce que parfois, ils ne s'occupent pas correctement de ceux qui sont à leur charge, comme leurs enfants. Alors, dans ce cas-là, si, de par leur abandon du travail et leur consécration à la science, ceci provoque un tort à leurs enfants, alors ils tombent dans un péché. Il mentionna un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: il suffit comme péché pour un individu qu'il ne s'occupe pas de ceux qui sont à sa charge. Et donc, ce genre d'individu, au final, cette catégorie d'individus, au final, s'endette ou sollicite financièrement les gens en leur demandant des dons. Et il y a, au final, une conséquence néfaste dans cela. Par contre, si une personne se consacre au savoir et compte patienter sur la pauvreté et qu'il pense et espère qu'il aura de quoi subvenir à ses besoins, alors on espère que dans ce cas de figure-là, alors il échappe au fait de tomber dans un péché. Et donc, parfois, parmi les gens qui sont de cette catégorie, il y a parfois parmi eux la personne qui agit de la sorte, mais ne cherche pas à s'acquitter de ses responsabilités envers ceux qui sont à sa charge. Et ceci est une erreur. Et ce genre d'individu, parfois, se justifie par le fait d'être préoccupé par l'acquisition du savoir, négligeant ainsi des responsabilités qui sont des obligations qu'Allah a établies sur eux. Et donc, certains étudiants ont une conception de la chose qui est telle que certains pensent que gagner sa vie, c'est-à-dire travailler, ne sied est pas à un étudiant en sciences, et que l'étudiant en sciences se doit de patienter sur la pauvreté, et qu'il ne doit pas avoir de profession. Et ceci n'est que pure ignorance, comme l'a expliqué l'imam Ahmed. C'est une ignorance du caractère légiféré du travail pour les étudiants en sciences et même pour les ulémas, même pour les savants. Rappelons-nous par la mention des preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet, c'est-à-dire le fait qu'il est légiféré pour l'étudiant en sciences ayant besoin d'y avoir recours de travailler, s'il n'a personne pour le soutenir financièrement ou s'il y a un besoin vis-à-vis de cela. Il mentionna d'abord le verset de Sourate Al-Jumu'ah, Sourate le vendredi, le verset numéro 10, et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens en français: et lorsque la prière est terminée, note du traducteur, ce qui est voulu ici, c'est la prière du Jumu'ah. Et lorsque la prière est terminée, répandez-vous sur terre et recherchez une grâce d'Allah et faites une mention d'Allah qui est abondante afin que vous obteniez le succès. Et donc, il mentionna le tafsir de l'imam al-Baraoui, qui est également l'exégèse et l'explication du verset d'autres parmi les ulémas du tafsir, qui expliquèrent que répandez-vous sur terre, c'est-à-dire pour la tijara. C'est-à-dire qu'après que la prière du vendredi fut accomplie, répandez-vous sur terre, c'est-à-dire pour vous livrer au commerce. Et cherchez la grâce d'Allah, c'est-à-dire chercher sa subsistance. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, a mentionné ce verset de Sourate Al-Jumu'ah, le verset numéro 10, dont le sens vous a été transmis il y a quelques secondes. Il mentionna ce verset en tête de chapitre et en titre de chapitre d'une section de son chapitre relatif aux ventes et aux interactions commerciales dans son sahih, c'est-à-dire dans le Kitab Al-Buyu', le chapitre, le livre consacré aux ventes et aux interactions commerciales. Le premier titre de section dans cet ouvrage-là fut la mention de ce verset-là. Et il mentionna ensuite, dans cette section du livre, qui est le Sahih de l'imam al-Bukhari, il y mentionna des hadiths, notamment parmi eux un hadith rapporté par Abu Huraira, dans lequel il mentionne: mes frères parmi les émigrés, c'est-à-dire les muhajiroun, étaient préoccupés par les activités relatives au marché, et mes frères parmi les auxiliaires étaient préoccupés par la fructification de leurs biens, c'est-à-dire ce qui est relatif aux cultures. Et il mentionna également, rahimahullah, un hadith rapporté par Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, dans lequel il rapporta que Sa'd ibn Ar-Rabi', radiallahu anhu, a proposé à Abdurrahman ibn Auf, qui était parmi les muhajiroun, ceux qui avaient émigré de la Mecque, pour se rendre à Médine. Et donc, Sa'd ibn Ar-Rabi' avait fait une proposition à Abdurrahman ibn Auf de lui faire don de la moitié de ses biens qu'il possédait et de divorcer une de ses femmes afin qu'il puisse l'épouser. Abdurrahman ibn Auf, suite à cette proposition, lui répondit alors qu'Allah mette la baraka, c'est-à-dire la bénédiction, le bien, dans tes biens ainsi que dans tes épouses. Cependant, montre-moi simplement où se trouve le marché afin que je puisse gagner ma vie. Ensuite, le cheikh Ahmed Badoukhoun, hafidhahullah, a fait la mention du verset numéro 20 de Sourate Al-Muzammil, dont le sens en français est le suivant, dans la partie du verset dont il fit la mention. Et c'est le dernier verset de cette sourate, dont il mentionna une partie, dont le sens en français est le suivant, et d'autres qui parcourent la terre en quête ou désirant la grâce d'Allah. Ibn Kathir, rahimahullah, dans l'exégèse de ce verset, a expliqué, c'est-à-dire ceux qui voyagent afin de gagner leur vie et de se livrer au commerce. Et donc, l'imam Muslim a rapporté dans son Sahih un hadith rapporté par Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le prophète Zachariah, alayhi salatu wa salam, était menuisier. Il travaillait dans la menuiserie. Et donc, Cheikh Ahmed Badoukhoun expliqua donc que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le prophète Zachariah, alayhi salam, était quelqu'un qui travaillait dans la menuiserie. Bien qu'il était un prophète d'Allah, un messager d'Allah chargé de transmettre la révélation d'Allah, et malgré tout, il travaillait. Et il mentionna un hadith dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rapporté par Abu Huraira, dans lequel il rapporta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah n'a jamais envoyé un prophète aux gens sans qu'il n'eût travaillé en tant qu'éleveur de moutons. Et les sahaba, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors demandèrent au messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, même toi au messager d'Allah? Ce à quoi il répondit par l'affirmative. C'est-à-dire que lui-même, alayhi salatu wasalam, avait travaillé en tant que gardien de moutons, en tant qu'éleveur de moutons, berger. Et il expliqua qu'il allouait ses services aux habitants de la ville de la Mecque. C'est-à-dire qu'il proposait ses services, il travaillait en tant que berger, alayhi salatu wasalam, pour les gens de la Mecque, leur vendant ses services. Et dans un hadith rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous a informé que le prophète Daoud, alayhi salam, ne mangeait que du fruit de ses mains. C'est-à-dire qu'il ne mangeait que de par le travail de ses mains. C'est-à-dire qu'il se nourrissait de ce qu'il avait acheté, ce qu'il avait obtenu par le fruit de ses efforts. Bi-idhnillahi azza wa jalla. Et parmi les textes que le cheikh mentionna, le hadith rapporté par Aïcha, dans lequel elle mentionna que les sahaba étaient des travailleurs et desquels émanaient des fois des odeurs, c'est-à-dire de par la sueur du travail qui était dû au travail qu'ils accomplissaient. Et alors il leur fut suggéré de se doucher pour dissiper cette odeur. Et al-shahid, c'est-à-dire le point argumentatif de ce hadith, et le fait que Aïcha affirmait que donc les sahaba étaient des travailleurs, c'était des ouvriers, des gens qui travaillaient. Non, mais que émanait de eux la sueur de par leur travail. Donc ils s'efforçaient dans le travail. Radiallahu anhum ajma'in. Et il rapporta, hafidhahullah ta'ala, un autre hadith qui est unanimement reconnu authentique, c'est-à-dire qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari ainsi que dans le Sahih de l'imam Muslim, qui est un hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, dans lequel il mentionna que les gens disaient, Yannick, que tu mentionnes beaucoup de hadiths. C'est-à-dire que les gens blâmaient d'une certaine manière et faisaient le reproche, ou plutôt faisaient la remarque, à Abu Huraira qui rapportait beaucoup de hadiths. Qu'est-ce qui est voulu par ce propos? Le cheikh Ahmed Badoukhoun expliqua que c'est-à-dire que toi, Abu Huraira, tu mentionnes beaucoup de hadiths que les autres compagnons, eux, ne nous rapportent pas. Alors qu'eux, ils accompagnent le messager d'Allah depuis plus longtemps que toi. Ils sont musulmans depuis plus longtemps que toi. Et ils le côtoient depuis plus longtemps que toi. Et tu rapportes beaucoup de hadiths qu'eux ne rapportent pas. Et donc, Abu Huraira répondit en reprenant ce propos, cette remarque, et se justifia en expliquant que les gens me disent, oh Abu Huraira, tu rapportes beaucoup de hadiths. Mais si ce n'était par la cause d'un verset, je n'aurais rien rapporté comme hadith. Et il récita alors le verset 159 de Sourate al-Baqarah, dont le sens en français est le suivant. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en tant que fait de preuve et de guide, après que l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ce qu'Allah maudit et les maudissants maudissent. Et donc, notre cher fit la mention d'une partie de ce verset. En tant que citation d'Abu Huraira, radiallahu anhu. Et donc, Abu Huraira, après avoir mentionné ce verset, par lequel il se justifia concernant pourquoi il rapporte autant de hadiths, pour ne pas justement cacher la science, et il expliqua que mes frères parmi les muhajirin, c'est-à-dire parmi les émigrés, étaient préoccupés par les activités commerciales au marché. Et mes frères parmi les ansar étaient occupés par la fructification de leurs biens, c'est-à-dire par rapport à leur culture. Et chez Ahmed Badouh, on expliqua qu'Abu Huraira, quant à lui, donc était préoccupé par la science et endurait la faim, la difficulté de la faim, FIM, le manque de nourriture, et côtoyait assidûment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba, comme il fut fait référence à eux, et leur description fut faite dans ce passage, travaillaient dans le commerce et dans les cultures, alors que ce sont les transmetteurs de la religion, les porteurs de la connaissance de l'islam, et ils l'ont transmise, cette religion, à leurs élèves. Et ils conciliaient entre le fait de gagner leur vie et d'assister aux assises du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à Abu Huraira, il endurait la faim par le fait de côtoyer assidûment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'instruisait dans la religion. Ensuite, le cheikh mentionna un exemple en Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, qui est le meilleur des sahaba et qui est le meilleur homme après les prophètes, alayhim salatu wasalam. Et d'après ce que Cheikh al-Islam ne témoigne à mentionner, il est le plus savant des sahaba. Mais malgré sa science, bien qu'il avait énormément de science, et bien qu'il était quelqu'un qui accompagnait assidûment et qui côtoyait assidûment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était connu pour avoir une profession. Et cette profession-là, son activité professionnelle, son travail, il ne la délaissa que lorsqu'il devint calife et qu'il dut délaisser sa profession car préoccupé par les affaires des musulmans. Alors, à ce moment-là, il délaissa son travail car ne pouvant pas concilier entre le travail et se charger des affaires des musulmans, et il se préoccupa et se consacra au fait de diriger la communauté musulmane et se payait un salaire en prenant dans le trésor public. Et ceci fut rapporté par Aïcha, comme mentionné par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, qui rapporta que son père a dit, c'est-à-dire Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu majma'in, avait dit « Mon peuple savait que mon travail me permettait de subvenir aux besoins de ma famille, c'est-à-dire aux besoins de sa personne et aux besoins de sa famille. Mais à présent, je suis occupé par le fait de m'occuper des affaires des musulmans. Alors la famille d'Abu Bakr mangera une part de ses biens. » Il faisait référence au trésor public, c'est-à-dire les biens des musulmans. Non. Et ceci est un droit, car il n'avait cessé de travailler que par le fait qu'il était préoccupé par les responsabilités du khalifa, du fait d'être un calife et d'être le dirigeant de la Ummah musulmane. Et donc, il a délaissé son travail par lequel il subvenait aux besoins de sa propre personne et aux besoins des membres de sa famille, de ses ayants droit, du fait qu'il devait se charger des responsabilités relatives aux musulmans. Alors, il a délaissé sa profession et il a dû prendre un salaire dans le trésor public pour subvenir aux besoins de sa personne et de ceux sous sa responsabilité. Et donc, parmi les enseignements bénéfiques qui découlent de cette narration mentionnée dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, c'est que le savant ou la personne qui se consacre à l'enseignement aux gens et qui délaisse le travail pour cela, c'est-à-dire qu'il délaisse le fait de travailler parce qu'il se préoccupe et s'occupe d'enseigner aux gens la religion, alors cette personne-là a un droit dans le trésor public, c'est-à-dire dans les biens des musulmans. Il a un droit, car il n'a renoncé au travail que pour pouvoir enseigner aux musulmans ce qu'ils ont besoin de savoir. Donc l'étudiant en sciences, s'il n'a pas de quoi se dispenser de travail, alors il travaille. Et il n'y a aucune honte et il n'y a aucun mal à cela. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas quelque chose de blâmable, ce n'est pas quelque chose de honteux, ce n'est pas quelque chose d'avilissant ou qui porterait atteinte à son statut de travail. En effet, les compagnons étaient les porteurs du savoir et se livraient au commerce et s'occupaient des cultures. Et ils sont pour nous un modèle, comme l'imam Ahmed l'a mentionné. En effet, le cheikh Ahmed Badoukhoun, hafidhahullah, a mentionné une narration de l'imam Ahmed, rahimahullah, dans laquelle il fut questionné, c'est-à-dire dans une anecdote dans laquelle il fut questionné concernant un individu qui reste reclus dans sa demeure et qui dit « Je resterai là et j'attendrai ma subsistance ». C'est-à-dire qu'il ne fait pas les causes pour travailler, pour acquérir sa subsistance. Il dit « J'attends que ma subsistance me vienne ». L'imam Ahmed Ibn Hanbal, rahimahullah, a mentionné que celui-là est un ignorant du savoir. C'est-à-dire que c'est une personne qui ignore la science. Et il mentionna le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que sa subsistance fut placée à l'ombre de sa lance. Alayhi salatu wa sallam. Et un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit référence aux oiseaux, et ce hadith sera mentionné par la suite, dans lequel, de façon complète, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit les oiseaux qui sortaient le matin le ventre plein et qui rentraient au soir le... qui sortaient au matin le ventre vide et qui revenaient au soir le ventre plein. Non. Et l'imam Ahmed, après avoir mentionné ces deux hadiths, a mentionné le fait que les sahaba étaient des commerçants qui se livraient au commerce en mer et sur la terre ferme. Et ils s'occupaient des palmiers, c'est-à-dire de ce qui est relatif aux cultures. Et nous avons en eux un modèle, c'est-à-dire nous devons les suivre. Donc c'est une réfutation d'une ambiguïté qui est due à l'ignorance de certains individus, qui, par rapport au fait qu'ils aiment l'adoration, qu'ils sont des gens qui aiment s'adonner à l'adoration d'Allah, veulent se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et renoncer aux causes, c'est-à-dire veulent renoncer au fait de gagner leur vie, renoncer au fait d'avoir un travail, renoncer au fait de faire les causes pour gagner leur subsistance, en prétendant qu'ils adorent Allah, s'occupent et se préoccupent par l'adoration et la dévotion religieuse, attendant que leur subsistance leur parvienne. Et donc, l'imam Ahmed a réfuté cette parole, cette ambiguïté, cette parole fausse et erronée, qui est nulle et non avenue, en expliquant que ceci n'était que pure ignorance. Et que l'on se doit d'employer les causes. Cheikh Ahmed Badoukhoun a expliqué par la suite qu'on se doit d'employer les causes, de mettre en place les causes. Tu places ta confiance en Allah et tu emploies les causes. Et il mentionna que bien qu'en effet, la subsistance, nos différentes formes de subsistance nous sont bel et bien prédestinées et nous parviendra tout ce qui nous a été prédestiné. Cependant, ce qui nous a été prédestiné est lié à des causes. Les choses qui sont prédestinées aux serviteurs sont liées à des causes. Et il donna un exemple. Est-ce que ceci serait correct si ce genre d'individu qui tient ce genre de propos, celui qui prétend rester reclus chez lui et attendre que sa subsistance lui parvienne, on lui donnerait l'exemple du fait que s'il voudrait des enfants, est-ce qu'il va se marier ou est-ce qu'il va attendre que les enfants lui viennent comme ça, sans se marier, sans avoir recours au mariage et ce qui est relatif au mariage et ce qui en découle? Il dirait que ce serait pure folie de penser de la sorte. Donc ainsi en est-il pour le reste des choses qui sont relatives à la subsistance. On se doit de placer notre confiance en Allah et de faire les causes. Et concernant le sens du verset dont il fit la mention, le verset du Coran al-Karim, dont le sens en français est le suivant, « Et quiconque craint pieusement Allah, alors il lui accorde une issue favorable, il lui accorde une issue et le pourvoit en subsistance par des voies qu'il ne soupçonnait pas. » Il expliqua, chez Ahmed Badoukhoun, après avoir fait la mention de ce verset, expliqua que la piété ici, c'est-à-dire dans ton travail, c'est-à-dire la piété dans ton travail, dans le fait d'avoir un travail licite, un travail légal, un travail licite, une source de revenus licite, et que lorsque tu interagis avec les gens dans ton commerce ou dans ton interaction qui est ton travail, tu agis en étant quelqu'un qui est véridique, intègre. Et cela ne veut pas dire que tu dois t'adonner à l'adoration, yani faire les wajibat, t'abstenir de ce qui t'est interdit, et la subsistance te vient. Non, c'est que tu fais les causes pour obtenir la subsistance et tu crains Allah dans les voies que tu utilises et les moyens et les causes que tu mets en place afin de pouvoir parvenir à ta subsistance. Ceci est la compréhension correcte du verset. Et donc, le tafsir de ce verset, c'est que donc, tu dois craindre Allah dans les moyens, c'est-à-dire les moyens par lesquels tu parviens à l'acquisition de ta subsistance, plaçant ta confiance en Allah, en ayant le bon soupçon envers lui, et en sachant que c'est lui qui accorde la subsistance à qui il veut, et tu fais les causes, et alors Allah te facilitera la voie et l'accès aux différentes subsistances. Ensuite, il mentionna le hadith dont nous avons mentionné une partie, qui fut mentionné par l'imam Ahmed. Il mentionna Ce hadith qui est un hadith rapporté par Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui est dans sa forme complète, selon le sens en français, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, si vous placiez réellement votre confiance en Allah de la manière qui sied, alors il vous pourvoirait en subsistance à la manière dont il pourvoit en subsistance aux oiseaux qui sortent au matin le ventre vide et qui reviennent au soir le ventre plein. Cheikh Ahmed Badourhoun expliqua ensuite ce hadith en expliquant que donc si nous concrétisions l'acte qu'est le tawakkul, le fait de placer complètement notre confiance en Allah, alors Allah nous octroierait la subsistance à la manière dont il l'octroie et il l'accorde aux oiseaux. Et les oiseaux, méditons quelque peu sur les oiseaux. Le cheikh a expliqué que les oiseaux, ce sont des êtres chétifs, ce sont des êtres fébriles, ce sont des êtres faibles. Et ils vont d'un arbre à un autre, d'un endroit à un autre, cherchant leur subsistance, cherchant de quoi remplir leur ventre. Et ce sont des êtres qui ne sont pas capables de stocker en général, c'est-à-dire que ce ne sont pas des êtres forts, qui sont des créatures qui sont aptes à pouvoir stocker dans leur nid, avoir des réserves, etc. En général, ils sortent et cherchent leur subsistance et reviennent avec uniquement ce qu'ils ont dans leur estomac. Et donc ces créatures-là sortent le matin, vont chercher la subsistance qu'Allah va leur accorder, font les causes pour parvenir à la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sortent ils reviennent le soir, le ventre plein de subsistance de la part d'Allah, qu'Allah leur a accordé azza wa jalla. Ensuite, le fait que donc l'imam Ahmed avait fait la mention du fait que les sahaba, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, étaient des commerçants qui se livraient au commerce en terre, il y en a sur la terre ferme comme en mer, et que c'était des gens qui s'occupaient des cultures des palmiers. Et nous devons les prendre comme modèle, nous les prenons comme modèle et nous avons en eux un excellent modèle à suivre. Et le cheikh Ahmed Badourhoun a expliqué que parfois une personne peut être dans l'obligation de devoir travailler, comme la personne qui a une famille à sa charge, c'est-à-dire une femme et qui a des enfants à sa charge. Et il réitéra la mention de hadith, qui est le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Il suffit comme péché pour un individu le fait qu'il ne se charge pas des responsabilités, qu'il ne s'acquitte pas de ses responsabilités vis-à-vis de ceux qui sont à sa charge. » Ensuite, le shir fit la mention de narration des pieux prédécesseurs concernant le sujet du travail, concernant le fait de concilier entre la quête du savoir et l'acquisition de la subsistance, entre la quête du savoir et le fait de gagner sa vie. Il mentionna notamment une narration de l'imam al-Khatib al-Baghdadi dans son livre « Jami' Akhlaq wa Adab al-Sami' » dans le chapitre de la mention de ce qui incombe à l'étudiant du hadith, l'étudiant en sciences, comme travail pour sa famille et de gagner sa vie licitement. Il mentionna également une narration de l'imam Abu Uthman al-Sabuni, le grand imam de la Sunna, dans son livre « Aqidat al-Salaf » ou Ashab al-Hadith, la croyance des pieux prédécesseurs et des adeptes du Hadith. Et il mentionna la narration de l'imam Sofiane al-Thawri également. Et d'autres narrations parmi les narrations des Salaf Salih concernant ce sujet, clarifiant quelle est la position de nos imams, la position de nos sommités, de nos exemples et de nos modèles dans la communauté musulmane dans ce sujet-là. Mais la traduction de cette partie de la locution se fera demain à 18h à la même heure. Incha'Allah ta'ala. Et dans le cas où vous aurez des questions concernant des choses qui ne sont pas claires pour vous, ou concernant le sujet qui est abordé dans notre traduction, à savoir l'allocution de notre cher Ahmed Badourhoun, n'hésitez pas à solliciter les responsables du Merkez afin que vos questions soient transmises au cher, afin d'obtenir une réponse et une clarification concernant ce qui vous est équivoque, ambigu ou confus dans ce sujet-là. Car vous avez ici une opportunité de pouvoir vous connecter aux gens de science, aux gens de savoir, en la personne de cher Ahmed Badourhoun, qui est un homme de science respecté et respectable, et qui est connu et reconnu par les gens de science, par les mashayikh. Walillah alhamd. Donc nous nous donnons rendez-vous bi-idhnillahi azzawajal demain à la même heure, c'est-à-dire demain à 18h, incha'Allah ta'ala, pour la suite de la traduction de l'allocution de notre noble cheikh. Hadha wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.